J'ai le cœur dans le coma, le corps dans le même état. Pourquoi tu t'éloignes de moi? Dis-moi, je ne comprends pas. Bien. Et tout s'éteint. Moi j'ai que toi dans la tête. Peut-être que je me répète. Dis-moi ce qui nous arrête. Oh, je ne comprends pas bien. Tout s'éteint. Et je sais plus, je crois que je suis perdu. Je vois que tout s'efface. Où est ma place quand devant moi j'ai un mur? Jamais le bonheur ne dure. Mais regarde-moi s'il te plaît, réponds-moi. Dis-moi que c'est pas la fin. Je vois le monde s'éteindre. Je crois qu'il ne reste plus. Je sais pas pourquoi t'es parti. S'il te plaît, regarde-moi une dernière fois. Une dernière fois. Encore une fois. Je vois tes yeux. Vont nos jours heureux. Une dernière fois. Juste un moment. Juste un dernière fois.